Si le syndic ne viendrait pas ce soir. Ah, pourquoi? Il a une séance? Non, mais il est moindre, c'est vous. J'ai encore pas vu ce matin. Il branle joliment aux mains. Je crois que ça va mieux. Et voilà. Bonjour, syndic. Bonjour. Comment ça va? Topiane. Mal ficelé? Pour dire non, mais j'étais en train de gauger une crève qui ne veut pas sortir. C'est un père de jour au lit. Souvent, ça suffit à donner le tour. Pardon, bien sûr. Je l'aurais fait cette semaine, mais je ne peux pas à cause de la femme. Maman, votre femme n'aime pas vous soigner? Et justement, comme oui. Moi, je serais facilement malade de temps en temps s'il n'y avait pas ces tonnerres de remède. Sache, tantôt, il m'a fallu boire des camomilles. Voilà. Ah, cette bourtia, ça vous doyate. Il m'a fallu 3 verres de kirsch de corserelle pour reprendre souffle. et puis le tilleul, la bourrache, waouh, j'aime mieux traîner ma misère debout. Oui, il y a des fois qu'on se demande si les femmes n'y mettent pas de la malice. Moi, ça me rappelle ma maman quand j'étais gamin. Elle avait le culte de la santé. La santé avant tout, qu'elle disait toujours. Quand on est malade, le travail peut toujours attendre. Ça fait que moi, qui n'avais pas un zèle spécial pour l'école, on n'avait pas des régents de votre tante, bien sûr. Sans ça, on se serait recommandé pour y aller même le dimanche. Ça, c'est bien ce que je me disais. Bref, j'avais vite compris que dans les cas désespérés, il me suffisait de recommêler un peu pour l'attendrir. Quand la cloche de l'école se mettait à sonner, je crachais tant que je pouvais. J'étais bon pour rester au chaud. Seulement voilà. Déjeuner, des camomilles, à 8 ou 9 heures, un cataplasme, et puis un second, et puis un troisième, à midi, de la soupe aux grues. Oh, ils ont un de ces répertoires. Ben, j'ai été malade 2 fois la première année, et puis j'ai pu remanquer un jour jusqu'à ma communion. Ben, vous me croirez si vous voulez, j'ai jamais pu savoir si elle me soignait sincèrement ou si elle se fichait de moi. Ah, le résultat étant le même, peu importe l'intention. Ah, c'est pas comme aujourd'hui. Ces gosses sont dorlotés. Ça vient à la mode. Oui, salut dans le journal, là. À l'école de recrues, on se met à leur adoucir les angles, que c'est une bénédiction. En tout cas, pour les officiers, tu as vu? Les voilà qui vont avoir le droit de porter des culottes ordinaires, comme les soldats. Ouais, même qu'à ce qui paraît, on ne serait pas contre de les autoriser à porter le sac avec paquetage complet. Danger! Danger, le monde mollit à vue d'œil, c'est bien l'image du siècle. On n'a plus que des droits. Les officiers veulent leurs droits à eux, c'est bien encore ceux des hommes, par-dessus le marché. À moins la peur si à la prochaine mob, on leur donne pas le droit de se coucher à 9h30 du soir. Ah, ce qui est vrai, c'est que quand on est dans le rang, on se fait souvent des idées fausses. À distance, on se rend mieux compte. Remettez-vous pendant la guerre, tous ces hauts gradés qui se royaumaient de ci de là. Ben, on avait joliment l'impression qu'ils avaient leur mot à dire sur la troupe. Ben, évidemment, puis alors? Mais moi, j'aurais juré qu'ils avaient une autorité du tonnerre et puis qu'ils pouvaient donner des ordres à tour de bras. Et vous avez changé d'idée? Ah, pas moi, non. Mais eux, c'est... je sais pas si vous avez suivi tous ces procès, ces niaises qu'il y a depuis 2 heures, là. Ben, ces gaillards sont venus tout modestes. On leur dit, voyons, mon colonel ou mon major, il y a ça et ça qui se passait souvent sous vos ordres. Oh que non, qui répond. Oh que non, ça ne me regardait pas. Pensez voir, chacun travaillait un peu à son idée. Et chez nous, c'était comme, qui dirait, une grande famille. Si on s'était mis à tout contrôler, ça aurait tué la confiance. On n'aurait plus de plaisir au repas en commun. Alors, vu comme ça, il y a bien quelque chose à dire. Seulement, tu sais, ça n'est pas tant typiquement militaire. Dans la vie civile, ça ressemble. Pour ce qui a réussi, on trouve encore facilement des responsables. Mais quand il y a eu des cavilles, les supérieurs viennent rudement distraits. Mais pour en revenir aux écoles de recrues, j'en causais aux gamins, au tiolu qui passe de la sienne. C'est venu une espèce de course d'école. Donc ça D'abord le coiffeur, ben de notre temps, rien de ça. Ras le porte-cas, puis pas de meule. Aujourd'hui, on leur demande, comment voulez-vous que je vous arrange ça? Oh ben moi, vous savez, pas de ça, faut souffrir pour être beau. Moi, d'après votre tête, je vous fais des boucles sur l'oreille, là, et puis un petit matelas sur le coton. Comme ça, vous n'aurez qu'à faire une pince à votre tunique, et puis vous ferez un petit zazou très présentable. Et ils ont fait ça au gamin au tiolu? Ouais, lui, il n'était pas au courant, il s'était rasé de près. Il voulait à tout prix payer une perruque, mais il n'a pas voulu. Maintenant qu'on les garde, c'est à eux d'y mettre un petit peu de discrétion. Figurez-vous qu'à la caserne, ils ont mis la radio dans toutes les chambres. Alors, mais parfaitement, hein? Et puis des prises pour les rasoirs électriques. Ah ben, je vous tiens le pari. C'est tout ce qu'il y a de vérifié. La semaine passée, ils ont eu une puissante histoire. Le commandant d'école avait joblé d'aller faire un tour pour des exercices de patrouille. Seulement, mon gaillard avait mal calculé son coup. Dans un moment de distraction, il n'avait pas remarqué que cet après-midi-là, il avait justement un match de hockey à la radio. Oh, je les reconnais bien là, ces officiels anciennes modes qui n'en font qu'à leur tête. C'était même pas exprès. Ça fait qu'ils ont expliqué, écoutez-moi mon commandant, ça s'arrange pas du tout. Alors, à quelle heure ce match? À 2 heures. Eh bien alors c'est tout simple, on ira après. La nuit ne tombe que sur les 5h30, on aura juste le temps pour l'exercice. Alors? Oui, facile à dire. Parce qu'alors c'est le cuisinier qui s'est fâché tout rouge. Rien de fait qu'il a dit. Avec ce commerce, les hommes ne seront pas là pour le thé. Et moi qui leur avais fait de la crème froidée, elle va fondre. Ah, s'arrête. Et comment ça s'est arrangé? Ah, ils ont quand même été à l'exercice. Puis avec la crème, le cuisinier leur a fait un diplomate pour le souper. Pas fameux du reste. Ils sont tombés sur un qui ne réussit pas les plats doux. Mais alors, pour les civets, il est imbattable. Là, à propos de crème fouettée, là, je me demande si en la libérant, les offices fédéraux n'ont pas fait une grosse erreur. Oh, facile à dire, vous qui n'en manquiez pas. Justement, ce n'est pas tant à la crème fouettée que je pense, mais plutôt à la vie de famille. Et quel rapport? Eh bien voilà, moi pour ce qui est de la famille, je suis encore joliment bien fourni. Il y a mes parents, ceux à ma femme et puis tous les remués. Il y a par exemple un qui a marié la fille d'un cousin à mon grand-père. Je ne me rappelle jamais comme mon idée, mais enfin c'est bel et bien un parent tout de même. Bien affectionné et tout. Justement, il devait venir me faire visite avec sa dame dimanche dernier. On se réjouissait déjà et... Et voilà que le samedi, il a téléphoné pour dire qu'il regrettait bien, mais qu'il n'avait pas le temps. Tu crois que c'est en rapport avec la crème fouettée? Oui et non. Moi, j'y aurais même pas pensé, mais c'est la femme. Les visites, c'est plutôt son rayon. Avec elle m'a dit, ils doivent avoir une rue d'ouvrage par la ville depuis un certain temps. Pourquoi? Mais rappelle-toi, là, j'honorais sa dame, cousin remué de Germain. La petite blondine qui se rase les yeux et s'en repeint des faux à travers le front. Votre cousine remuée de Germain, là. Le Paul de Genève avec ses 5 gamins. Enfin bref, tout un secteur de la petite famille. Ils étaient un temps assez assidus. Ils nous aimaient bien. On doit les avoir froissés. Ils se sont jamais eu revenus depuis que la viande n'est plus rationnée. Oh bon, c'est un pur hasard. Forcément, forcément. C'est pas pour les 2-3 cartes qu'on leur glissait de loin en loin. Non, non, ni pour les vacherets de la vallée ou ces jambonneaux s'antiquaient. On se comprend, quoi. Ouais. Si on pouvait supposer une minute que leur affection tenait à si peu, ben, ça serait à désespérer de l'humanité. Et alors, celui qui devait venir dimanche? Lui, oh, on lui donnait généralement des coupons de beurre, oui. Et puis, un paire de fois, quand on a eu de l'excédent sur nos rations, on leur en a vendu une petite motte. Enfin, quand ils venaient, quoi. Je vous dis, moi, je ne fais pas le rapport, mais les femmes qui voient tout, le feraient facilement. En tout cas, la mienne me disait, « Ma fille, quand on aura levé le rationnement des corps gras et des panifiables, je crois bien qu'on n'aura pas un parent de plus qu'avant la guerre. » Mais c'est dommage, parce qu'on s'était bien attachés. Eh bien, il y aurait un moyen. Faire courir le bruit que la prochaine est pour bientôt. Alors ça, il y en a déjà d'autres qui s'en chargent. Eh ben ouais, tu sais, dit qu'il te faut pas t'indigner non plus. Parce que moi, l'autre jour, je causais à Lisaline du magasin. Ah, je te crie, tu comme tu dis. Elle me faisait, c'est quand même drôle comme le rationnement du café et du chocolat m'avait fait des masses d'amis. Tandis que maintenant, ils se remettent à battre froid. C'est pas sûr. Ah, j'ai pas vérifié, c'est elle qui me le disait. Même qu'elle a précisé... La femme au syndic qui m'aurait mise dans sa poche de tablier, voilà encore une année à peine. Au jour d'aujourd'hui, je ne la vois plus que de temps en temps passer quand elle va à la gare pour faire ses commissions à Lausanne. Santé, syndic. Oui, oui, oui. Et conservation. Hein. À votre bonne santé, monsieur. Ah, c'est bon. Vous êtes bien muet ce soir, Régin. Oh, c'est-à-dire que je pense tant plus. Ah, vous pensez. Eh bien, je lisais l'autre jour dans un journal que des gens faisaient une curieuse expérience. Oui, ils ont choisi 5 poèmes, dont 4 sont signés de gens très célèbres, et un 5e est l'œuvre d'un fou, interné depuis très longtemps dans une maison spécialisée. Et alors? Alors, ils ont soumis ces 5 poèmes à un jury de gens spécialisés en leur demandant « Lequel des 5 est l'œuvre du fou ?» Mais, et ils n'ont pas pu savoir. Au contraire, ils n'ont pas hésité une minute. Seulement, le malheur est qu'ils se sont trompés. Ils ont désigné comme un fou un poète célèbre, qui doit bien, si je ne me trompe, être d'une académie. L'académie d'Ouchy non, ou pas? Non, une vraie académie. Ah ben ça, c'est bien amusant, là. Hey. Mais où voulez-vous venir? Oh, à rien. Non, sauf qu'en vous entendant critiquer le monde, je me dis que si on faisait la même expérience en brassant 4 honnêtes gens et une crapule, je m'étonne si l'on trouverait un jury assez perspicace pour découvrir la crapule du premier coup. Eh ben moi, ça me rappelle un jour que je passais devant l'école. On entendait un rafut de tous les diables dans les escaliers vers la porte. C'était le régent qui était en train d'azorer le gamin au putieu. Mais alors j'aime autant te dire, ça indique que ça grainait. Il te le traitait d'imbécile, d'arrogant, de vaurien. J'aurais jamais cru un tel répertoire. Ah, il cause peu le régent, mais il cause bien. Ça fait que j'attends un moment, j'entends une porte qui claque, et puis le gamin au putieu qui sort, en reniflant. Moi, je fais l'innocent. Qu'est-ce que tu as, Freddy? C'est le régent, monsieur. Qu'est-ce qui t'a fait, le régent? Il m'a foutu des allusions. Eh ben, il faut bien croire, Régin, que les allusions, c'est un petit peu votre spécialité, quoi. Oh, on a les spécialités qu'on peut, quoi, comme l'Adèle. Oh, alors là. Oui, mais dites donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'Adèle? Et tout le monde en cause en dessous, mais on ne peut pas savoir le fin. Parce qu'en réalité, il n'y a rien. Quoi? Rien que de très naturel. Ouais. C'est une fille qui a fréquenté et puis qui s'est mariée. Pas parce qu'il y a d'extraordinaire. Non, elle a peut-être bien fréquenté un peu plus longtemps que de coutume. Oh, tout à peine, quoi. Et combien de temps? 35 ans. 35 ans avec le même? Non. Ah, ça, c'est une justice à lui rendre. Celui qu'elle marie ces jours, elle ne l'a fréquenté que 28 ans. Et quel âge a-t-elle? Oh, ben 50, pas là autour. C'est une histoire d'amour un peu longuette, puis voilà. Il faut que les gens aient bien peu de choses à se dire pour y prêter attention. Mais il était marié, alors? Voulez-vous bien vous taire? Bien sûr que non, c'est une fille convenable. Alors il était à l'étranger? Non. Il habitait à côté de chez elle, à 30 mètres. Mais alors, pourquoi ne se mariait-elle pas? Et pourquoi est-ce que ce serait marié, si ça ne lui chantait pas, hein? Enfin, après tout, hein, oui. Hein. Eh bien, pour moi... Ça lui est venu en faisant la résinée. Et encore quoi? Ouais, enfin, manière de dire. Vous savez ce que c'est que la résinée? C'est du vin cuit, du vin de poire en général. On doit le cuire toute une nuit jusqu'à ce qu'il prenne. Mais le difficile, c'est de le maintenir assez longtemps en état d'ébullition. Ah, c'est pas commode. Si on met trop de feu, il dérave. Si on en met pas assez, qui est dit, après il faut ramoder, ça donne le goût de recuit. La toute bonne résinée, c'est quand on a ça plaqué d'un coup régulièrement, là, une ébullition constante. Ouais, et alors? Eh bien, moi, je me dis qu'une qui a réussi à tenir un homme en ébullition régulière, sans vague, sans refroidissement, sans dérase non plus pendant 28 ans, eh bien, ça mérite le respect. Et tu penses que c'est ça et qu'elle a fini par le trouver à point? La fille, remets-toi sa première expérience. Elle était tombée, il y a longtemps de ça, pardine, elle était toute gamine, quoi. Elle était tombée sur un tout bouillant, un de ces tout pressés qui prétendait la marier après 4 ans de fréquentation. On n'a pas idée de ça quand on tombe sur une spécialiste. Ça fait que lui avait cru précipiter les choses en louant un appartement, achetant les meubles et tout, et ben Bernic. Le jour où il devait aller se rendre chez le pétabossant, elle lui a fait « Mon ami, je n'ai rien à redire contre toi, mais j'ai réfléchi. Je n'ai pas encore assez réfléchi. » Même que le gaillard avait quitté le village en misant les meubles. Une impulsif, quoi. Ça fait que le suivant savait à quoi s'en tenir. Un qui va à Zurich en omnibus, il ne doit pas s'étonner si on l'enterre un peu en route. Oh, tout de même, 28 ans. En somme, il s'en est fallu de peu que ces fréquentations durent pendant deux guerres. Hé, hey, la belle affaire! S'il s'était marié tout de suite, ça n'en aurait probable fait qu'une seule de guerre. Oh. Et elle s'est décidée? Hey, je m'étonne quand même comment elle s'est aperçue qu'il était à point. Oh, elle a probablement commencé à le trouver sympathique, comme dans la fameuse histoire. Oh, allez savoir, avec la résinée, on a toujours le moyen de goûter, tandis que là... Pour moi, c'est plus simple que ça. Après 28 ans de fréquentation, elle commençait à en avoir assez de ne pas pouvoir faire un pas sans s'en coubler dessus. Probable. Maintenant que c'est fait, il va pouvoir oser sortir le soir tout seul. Ah ben, dis donc, c'est le fin moment s'il veut se mettre de la jeunesse. Et pour moi, on a beau rire, elle a trouvé là le fin du fin de la sagesse. Ce qu'il y a de plus beau dans la vie, c'est d'attendre. Quand on fréquente... C'est vrai, pour les gamins, quand on attend Noël. Pour les syndics, quand on prépare les vôtres. Ah. Oh, Lola, dans ma foi. Pour le syndic, pas, mais pour les autres, oui. Pour ce qui est de la bonne humeur généralisée, syndic, tu as quand même 3 bons mois tous les 4 ans. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais depuis les moissons à la fin de la législature... Tu es d'un avenant qu'un qui ne saurait pas croirait que tu fais ton salut. Mmh. Oh, ça me rappelle, Réjean, cette tournée que j'avais fait avec le syndic un mois avant les élections au Grand Conseil. Oh là là, tu m'agaces avec cette histoire. Et puis, c'est pas vrai d'abord. Allez, laisse dire. On avait affaire les deux. Il y avait aussi le juge dans les 3 communes du cercle. Ce qui fait qu'on se rencontrait que des électeurs au syndic, qui étaient déjà sur la liste, naturellement. Fallait le voir s'épanouir. Pour un peu, on s'attendait à ce qu'il jette des caramels, comme dans les noces. Ah, mais c'est que sa vraie nature reprenait le dessus. Il faut le voir, le syndic, quand il ne retient pas. Il se ruinerait en 2 ans. Impossible de payer 3 décis à sa table, là, rien de fait. Oh, il n'y a pas de poif, poif, poif toujours, quoi. Ouais. Mais alors, sa vraie rondeur, on la voyait dans les coups de chapeau et puis les poignées de main. Mmh. Vous savez, ces poignées de main très affectueuses, ouais, ouais. Avec un regard triste qu'on donne aux enterrements des petits cousins du défunt, qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. Sincère et profonde comme un coffre-fort de receveur. Mais le pire, c'est qu'il faisait le modeste. Ah, ça m'agace qu'il me disait à l'oreille tous ces gens qui me sautent compte. Je peux pas faire autrement que d'être poli. Oh, allô, allô, jusqu'au moment où on croise 2 gaillards que je ne connaissais pas. Voilà mon syndic qui leur saute compte, avec des sourires à manger une enfant riche. Et je te secoue les mains, et je te tape sur l'épaule. Moi, je reste en arrière, hein, j'avais pas les mêmes raisons de me tourner en pluie. Ça fait qu'au bout d'un moment, il les quitte, et voilà les deux qui passent à côté de moi. Alors j'entends un qui fait, « Qui est-ce celui-là qui fait tant son aimable ?»« N'en sais rien que répond l'autre. » J'ai jamais vu cette tête. Ah, que voulez-vous ? Dans les meilleures fabrications, il y a du déchet. Ouais, eh bien, Charrette, je n'aurais pas dû raconter celle-là. Il ne la digère jamais. Je vous parie que ça va y faire mûrir sa grippe. Gare la bourrache, syndic. Santé. Et conservation. Et dans 15 jours, à la même heure. Thank you. Comment trouves-tu que je te trouve, Saint-Dick? Que te vois-tu? Si cette année continue comme ça, il va falloir la fermer le 1er août. On sera ramenés. C'est pourtant beau temps. Alors, mais c'est le fond de l'air qui est moite. Il me semble qu'il me coule du sirop de framboise dans les gosses. J'ai pas une brique dans le coin. Et puis c'est général. Je vois la maison, la femme était tout née. L'autre jour, il y avait la petite Suisse allemande qui relavait là. J'entends une de ses rebedoulées sur ce lavoir. Crac! Deux temps, c'est péclé. La gamine, ça fait qu'il rentre dans les épaules. Moi, je me fais petit. Voyant, la femme regarde et fait. Oh, c'était des brochures. Oh, mais ça n'est rien. Que l'autre soir, à la chambre, j'étais en train de faire des paperasses. Et la femme fourrageait dans un tiroir. Qu'est-ce que je vois? Une gerbe. En mars, comme je vous le dis, Je l'ai dit à ma femme, d'habitude vous connaissez les femmes, quand une gerce trafique par la chambre, elle mobiliserait la première division avec des balais de poisson pour les sortir. Ça y est qu'elle me fait. J'en ai bel et bien une. Elle vient de tôt cette année. Et puis c'est tout. Elle n'a pas remué les gagnelins. J'ai vu le moment où elle lui jetterait un restant de camisole pour le défaire. Ah, c'est un temps qui nous enlève leur sort. J'ai comme une idée de qu'à l'école, les gamins doivent joliment faire les travaux écrits. Ouais. Pendant que le régent Pion saute sur le pupitre. Oh, même pas. Vous savez, les travaux écrits, c'est une fausse méthode. Sur le moment, ça va, mais il faut quand même les corriger après. Il n'y a pas de bien appréciable. Ah ben c'est quand même extraordinaire ce prêtre qui s'apporte une nouvelle. Et c'est tout comme ça, mais t'as vu que le temps a pris le maraudin. Jeudi tantôt, je vais à la vigne, sur le pont. Ça fait déjà un rue de beau pour y arriver. Vu que là-bas, je pose la hotte, puis je m'assieds au soleil. Oh, juste le temps de reprendre le souffle. Je fais mon petit clopet, un quart d'heure, pas plus. Je n'ai pas su quand je me suis réveillé. C'était passé 4 heures. Et en quart d'heure, le temps a pris 2 heures d'avance. J'ai quand même inquiété. C'est pas voir là avec cette méthode. Ouais, on rit. Mais dans le temps, ce serait presque pas vite, hein? J'en étais gouverné. Mais alors, gouverné comme ils le sont dans les coins qu'il y a, où les responsables ne moisonnent pas sur les bagatelles, il y a longtemps que le gouvernement aurait pris la chose en main et aurait mis tout son monde en vacances. Tout le monde! Interdiction de travailler pendant une semaine, histoire de dénouer les nerfs. On est volé, il y avait ces années qui commencent trop tôt. Elles n'en finissent pas moins le 31 décembre. Ben, tout bien qu'on sait, c'est un mois de trop qu'on sait s'il ne s'en profite. Allez, une semaine de repos obligatoire. On irait promener les mamans, on ferait des jeux. Ben, pourquoi pas? T'as jamais envie de te mêler aux gamins quand ils s'amusent. Moi, oui. Oui, mais pendant ce temps, l'argent... Que l'argent. Mais pour dire, il faudrait quand même bien que quelqu'un paye les repas. Et les tâches. Mais l'État, ça serait sa semaine. Chacun son tour. Toi qui es député, t'as pas vergogne ces jours. Ah, ne vois pas pourquoi. Allez. Écoute, une supposition. Que tu te chines toute l'année à travailler pour un gaillard qui te pressure, attends-le-moi. Grand. Que ça saignait pas tous les bouts. Et puis, comme ça avait la fin de l'heure, cet individu vient vers toi, tu tapes au téléphone et tu dis, mon ami, je suis bien content de toi, tu as bien travaillé. Grâce à toi, j'ai gagné 50 000 francs tourants. Quelle tête ferais-tu? Je me pencherais, puis j'ai demandé un acompte, pardon. Parfaitement. Et alors, quand l'État de vous vient nous dire, à nous, les contribuables, ça s'est joliment bien passé l'année dernière, hein? On a mis 9 millions de côté. Eh bien, moi, je trouve que cet état-là, il nous doit une tournée. Hein? Avec 9 millions, à 300 000 à peine qu'on est, il doit y avoir moyen de faire des fortes 4 heures, non? Même en laissant une brique pour la bonne vapeur. Même pas. De nos jours, quand un individu gagne de l'argent, on lui conseille de le cacher. N'est pas ça bien vu? Mais alors, un État qui fait du bénéfice, c'est de l'outrage aux bonnes mœurs. Un fanfaron du vice, en fait. Pas loin. Plus dangereux avec ça. Je sais pas comment ça s'est fait, mais j'avais du retard dans ma déclaration d'impôt. Ben, je l'ai refait ce tantôt. Heureusement. Avec ces autorités qui crient toujours misère, je m'étais laissé attendrir. Tu déclarais tout, quoi? T'es fou. Non, vous me comprenez de travers. Mais bien sûr que je déclarais tout. Comme tout le monde. Seulement, je me disais, c'est mal fait, on est là qu'on gigote dans la graisse, puis l'État qui dépérit. J'étais bien décidé à rajouter une pincée de luxe, tandis que comme ça, j'ai refait mes additions, au plus juste. C'est bien fait, l'État, il est comme les gamins, faut pas y donner trop d'argent de poche, il la gaspille. Et puis, sans compter qu'il se fait remarquer. Ah, ça, vous pouvez le dire. Vous souvenez-vous, au début de ce siècle, quand nos voisins français étaient les prêteurs du monde entier? Ils ne se construisaient pas un tramway en Turquie ou en Amérique du Sud sans que ce ne soit les Français qui le fassent. Eh bien, les tramways roulent toujours. Enfin, du moins, je vais l'espérer. Oui. Tandis que la monnaie mafie, ça s'est rarement vu qu'elle soit revenue à son point de départ. Et pourtant, elle aurait joliment fait besoin. Non, un État trop riche, c'est dangereux. Ça nous ferait trop d'amis. Il y en a tellement de ces gros qui se sentent appelés à protéger les petits. Ouais. C'est comme ce qu'on me racontait l'autre jour. C'en était un qui revenait d'un de ces coins où le service d'ordre est organisé par les libérateurs. Ça fait qu'on lui demandait, « Ils sont gentils ou quoi ?»« Oh oui, rien à dire, correct et tout. » »« Mais il y a plaisir à traiter avec eux, sans somme. Tout plaisir. » Par exemple, chez nous, ils nous achètent nos pommes de terre, et puis en échange, ils nous prennent notre blé. Ah, donnant, donnant. Et les bons comptes pour les bons amis. D'après une circulaire que j'ai reçue ce matin, ma qualité de député, c'est un peu ce qui va se passer avec notre 9 millions. Là. Ah ouais? Comment ça? Et voilà, n'est-ce pas? C'est rapport à la Constitution fédérale qui dit qu'on est tous égaux devant la loi. Alors, il se trouve que 9 millions, c'est tout juste la pointe qui leur manque pour finir leur petit aérodrome à Cloton. Alors, j'ai rien dit. C'est une chance extraordinaire que ça s'arrange si facilement. Et en échange, on obtient quoi? Oh, ben, les Uriquois sont bien convenables aussi, oui. Ils seraient, paraît-il, disposés à nous décharger du comptoir suisse. Oui, oui, ils le prendraient à leur compte. Ah, ben, c'est bien aimable, alors. Ça nous déchargerait de toutes ces organisations. Comme ça, tout est en ordre. Alors, tu votes oui ou quoi? Ah ouais. Surtout que ça résout le problème des minorités qui commençaient à venir irritants. Quelle minorité? Mais ceux de Zurich, parbleu. Ils sont à peine 600 000 contre le reste de la Suisse qui fait quasi 4 millions. Et du train dont ça allait, il tournait à la minorité opprimée. Heureusement qu'on a l'occasion de faire un geste, menté. Ah, s'économise un cendrement. Ah, c'est quand même beau la démocratie. René-Wall de Saint-Denis, tout seul, comme homme, il serait plutôt ordinaire. Bonne moyenne, 10 ans, mais sans plus. Mais depuis qu'il est élu du peuple, il est venu une largeur de raisonnement. Il est profond comme une urne, ce tonnerre de gaillard. Ah, santé, Saint-Denis. Et conservation. À votre bonne santé, messieurs. Merci. Eh bien, en attendant nos 15 jours de vacances, c'est formidable qu'on soit là mi-mars et puis que tout commence à débourrer. Je vois la vigne, elle attend un caprice pour nous sauter contre. Mais vous avez des arbres qui n'ont pas eu d'hiver. J'ai un rosier qui n'a pas ôté ses feuilles et puis il rebourgeonne, il faut le voir. Au fond, cette idée que le repos de l'hiver est nécessaire, c'est peut-être un préjugé. La nature est plus forte que ça. Écoutez voir ce régent, mais si le monde vous entendait, il y a un père d'idée qu'on ne devrait pas y toucher, sous peine de mort. Elles sont justes, elles sont fausses, ça n'a pas d'importance. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'elles sont nécessaires. Au premier rang, il y a l'idée du repos. Bouillez. Ah, bien sûr qu'en dormant 6-7 heures par nuit, on pourrait travailler tout le reste. Bien sûr qu'en hiver, on pourrait se chercher une occupation accessoire pour 2-3 heures par jour. Mais alors, le plaisir. Le plaisir, alors. Vous en faites quoi? Comme disait un de Lausanne, il ne faut pas perdre sa vie à la gagner. Eh bien, c'est le fin du train. Du train dont ça va, on se rend compte qu'en forçant un peu sur les méthodes, on arriverait probable à avoir 2 récoltes de vin par an. Mais ça ne serait pas si mal. Ah, tu crois? Eh bien, moi, je dis que si ce malheur nous arrivait, il y en aurait une pour la vente et la seconde pour l'iPhone. on serait bien avancé. Je connais à Lausanne un gros gaillard, grosse nuque, ventre à proportion, un teint dans les cyclamènes et une toute belle place. Comme on dit de ces places où il faut surtout avoir du jugement. Une heure du jugement par jour, disons. Et la manière de distribuer le travail au monde. Directeur, quoi. Ouais, ça fait qu'un jour, comme je dis, on le félicitait. Et quand on pense aux responsabilités qui vous pèsent sur les épaules, c'est magnifique comme vous êtes floriste, hein. Vous avez un teint de catéchumène, il nous a répondu, je passe bien, parce que j'ai un principe. Quelles que soient les circonstances, je n'ai jamais sacrifié une minute sur mon repos. Alors respect. Et respect d'oser le dire. Dès qu'ils le font, ça se trouve. Mais qu'il avoue, ouah. Dites-moi, à propos de catéchumène, ça s'est bien passé l'autre jour à la cure? Écoutez voir le raisin. Je l'attendais, cette question. Pourquoi? Mais oui, parce que par l'État, ils songent à réparer un peu la cure. Ils ont raison, ils le presseraient même. Mais moi, je les retiens tant que je peux, parce que je me dis, si l'État fait 10 000 francs de réparation pour le ministre, s'agira d'en faire autant pour l'école, sans ça, le régent va nous bloquer. Hein? Et n'avait pas tort, tu l'as entendu, hein? Cette curiosité, j'ai remarqué. Presque de la gourmandise, on aurait dit qu'il demandait de la crème fouettée. Enfin, alors, vous avez eu séance. C'était donc ça, ces gaillards à serviette qui étaient là l'autre jour. Ouais, on a été à la cure, je les accompagnais comme députés. C'était rigolo. On arrive, et puis la dame au pasteur, toujours très gentille, aimable et tout, nous fait « Messieurs, prendrez-vous une tasse de thé ?» Ça fait que nous voilà à faire des jambes comme des rangs de serviettes et à se regarder à qui oserait répondre. Et puis c'est l'architecte qui se lance et qui fait « Merci beaucoup, madame, on n'a pas soif. Non, on a pris la précaution de boire avant de venir. Oh » Oh là là. Ah, si c'était vrai. Mais bien sûr que c'était vrai. C'était même à ma cave. Mais il n'aurait pas dû le dire comme ça. On avait l'air de France Houlan. Eh ben alors, c'est comme on disait il y a un moment, respect pour ceux qui ont le courage de leur opinion. Et le courage de leur état. Il faut savoir passer pour ce qu'on est. Oui, oui. Eh bien, justement, Régent, je voudrais vous demander quand même votre avis. Est-ce que c'est vrai qu'on est de Paris sous l'eau? Et tracles. Et mauvaise langue. Et méchant avec les femmes. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, c'est grave, puisque l'occasion se présente, c'est la Suzette. La Suzette, c'est la patronne du café. Oui, oui, la femme au mari de la peintière, comme on dit. Ah, et alors? Eh ben, je pense que si on allait maintenant guigner par le trou, là, derrière le comptoir, on verrait son œil ou son oreille. Elle ne perd pas une miette de ce qui se dit ici. Oh, la belle affaire. Mais c'est que justement, l'État n'y racontez pas le monde que c'est une vergogne de voir trois hommes censément respectables qui passent une demi-heure approchant à triturer le monde, se moquer des gens et dire du mal des femmes. Que pour la moralité en ce qui concerne l'alcool, notamment, on est les dernières des schlampes. Et que si le monde nous attendait, ce serait une véritable démoralisation. Et tout, c'est condensé, comme ils disent. Alors, l'Hermeline du bas du four s'est répandue en tirailleurs par le village pour aller s'évoiter. On m'a dit que vous risquiez joliment, les gens, d'avoir des ennuis avec le département. Ouais, ouais. Et quant à moi, je dois dire, la dernière fois que le pasteur m'a serré la main, il y a mis une chaleur. Il ne disait rien de bon. Je me suis senti tout petit. Alors, Régent, vous qui êtes l'objectivité même, dites-nous, c'est-il vrai qu'on fait tant de mal au monde? Mais que des gens de la sorte feraient mieux de réfléchir avant de tout passer au crible de leur critique. Et qu'avant de juger le monde, ils feraient mieux de voir si le nez leur branle. Ah, je crois d'ailleurs, je me retenais depuis longtemps de vous le dire, que les bruits qui courent sont justifiés. Ah, tu vois, ça indique. On est bel et bien des tout-crouilles. Ah, certes, je suis placé pour savoir que dans nos plaisanteries, l'esprit n'est pas mauvais. Ah, quand même. Oui, ça m'enlève un poids. Mais l'esprit n'est pas tout. Ah. Il y a la forme. Et dans la forme, nos discussions sont dangereuses en ce sens qu'elles pourraient laisser croire à des âmes naïves que nous abusons des boissons alcooliques, que nous pensons du mal des épouses que vous avez choisies, et que de manière générale, nous n'envisageons pas le monde avec le sérieux et le respect qui s'impose. Pointe à la ligne. Tu bien, toi. Et déjà, pendant la guerre, je m'étais fait des reproches. Oui, certaines de nos conversations pouvaient laisser croire, toujours à des esprits simples, qu'il existait dans ce pays quelque chose de semblable au marché noir. Oh, putain! Ce que le monde est mauvais, nom de sort! Des histoires de cochons à huit pattes, d'inspecteurs fédéraux que l'on conduisait au bassin de Fontaine en passant par une série de cas, enfin bref. Tout cela a laissé penser que dans la réalité, il se trouvait des gens pour ne pas appliquer strictement les ordonnances y relatives. Oh! Bon, c'est pourtant bien connu que chez nous, on respecte la loi. Justement, puisqu'elle ne s'est jamais vendue du cochon en dehors des prescriptions officielles. C'était doublement coupable à nous de le laisser supposer. Ouais, oui, je me rends compte. En sorte que s'il y a ici et là des gens qui tournent mal, qui boivent trop ou vendent sans carte, c'est notre faute. En une certaine mesure, oui. puisque c'est vous qui avez inventé ces femmes. C'est le cas de dire que l'homme n'apprécie jamais la profondeur de sa propre chute. Voilà. Voilà, syndic, ce que devait être le ton de nos conversations, pour que la voix publique ne s'épanouisse pas. On rirait bien. Rire, toujours rire. Mais l'homme est-il au monde pour rire? Voilà, ah, yâche ça. Alors, on va commencer. Voilà. Voyons, on a juste le temps de se racheter. Ah, eh ben voilà. Ouais. Je suis content de vous voir pour vous dire combien je suis heureux d'avoir épousé une femme si parfaite. Moi aussi. Joli temps. Ouais. Oh, alors là. La situation est d'une incontestable gravité. J'irai plus loin. Elle devient cruciale. Justement, hier soir, je lisais, comme tous les soirs, le recueil des débats du Conseil des États. Vous voyez, Richard, il y a l'affaire. Ça doit être vite de construction. On n'arrive pas à être sérieux. Pour un début, nous sommes allés trop fort. Alors, ce qu'il faudrait pour contenter tout le monde, ce n'est pas de construire un traité de morale. Non, on ne nous en demande pas tant. Ah ouais, il y a des spécialistes payés pour ça. Précisément. Mais il y a des sujets qu'il faudrait éviter. Les femmes, par exemple. Les hommes aussi, alors. Et les cochons. Naturellement, les tenants et aboutissants, quoi. Le vin. Le vin, vraiment. Oui. Qu'on produise du vin dans les régions de vignobles, on n'y voit pas d'inconvénient. Mais ça ne doit pas se savoir. Silence et discrétion. Et puis le gouvernement, naturellement. Respect. Le ministre. La va de soi. La politique. Et puis c'est bientôt tout, quoi. Encore une dizaine d'articles, disons. Dites-moi, Réjean, pouvez-vous nous garantir qu'en s'abstenant de causer de tout ça, on arrivera vraiment à contenter tout le monde? Êtes-vous bien sûr, Réjean, qu'il ne se trouvera pas encore des malades du foie, des gaillards à doctrine, des tenants de secte? Ou tout simplement des mauvais coucheurs? Vous trouvez quand même mardi. Ah, ça non. Non, je n'oserais pas le jurer. Bah, alors, dans ces conditions, j'abdique. Crouille je suis, crouille je reste. Et puis ceux qui ne sont pas contents, ils n'ont qu'à aller au four, commander du gâteau, comme ma maman disait. Ce qui est dit, est dit. Et du moment qu'on est dans les proverbes, comme disait l'autre, qui s'en prend sans sein. Santé, Caviste. Conservation. Et dans 15 jours, à la même heure. Thank you. Thank you.